quelques notes des tours de matin qui caressent. J'ai quelques mots d'amour pleins de tendresse pour toi, oui pour toi, mon ami sans adresse. Les années passent et pourtant rien ne cesse. Entre nous deux, c'est toujours la même ivresse. L'amitié, c'est comme ça, mon ami sans adresse. Oh Gilou, si tu savais l'importance que tu as pour moi. Oh Gilou, si tu pouvais être là, plus près de moi. Oh Gilou, n'oublie jamais que je serai là, toujours, toujours, toujours pour toi. Petit garçon dont le regard me transperce, parfois exaspérant, pourtant tu me bouleverses quand je suis avec toi. Mon ami sans adresse. Et l'homme qui est en toi, qui rassure et me berce, dans ses grands bras, je tombe à la renverse. Reste toujours pour moi, mon ami sans adresse. Oh Gilou, si tu savais l'importance que tu as pour moi. Oh Gilou, si tu pouvais être là, plus près de moi. Oh Gilou, n'oublie jamais que je serai là, toujours, toujours, toujours pour toi. Et si tu pleures, le cœur plein de tristesse, je viendrai là pour te donner l'allégresse de mon amour pour toi, mon ami sans adresse. Oh Gilou, si tu savais l'importance que tu as pour moi. Oh Gilou, si tu pouvais être là, plus près de moi. Oh Gilou, n'oublie jamais que bientôt tu me donneras, oui, ta nouvelle adresse.